c'est ça, ta gueule. Aïe. Ah putain. Bah pour la peine, je chante moi aussi. Aïe. Les ados, ils sont en colère contre la société. Ça me fait.